J'aime l'odeur de l'herbe coupée, celle que l'on sent à la faveur de l'été. Sentir la vigne du bout de son nez, que j'aime l'odeur de l'herbe coupée. Une parenthèse apaisée, pour un moment une trêve enchantée. Une parenthèse illuminée, pour un moment, pour un rêve éveillé. Que j'aime l'odeur de l'herbe coupée, quand elle s'en mêle à la rosée. D'un matin clair ensoleillé, que j'aime l'odeur de l'herbe coupée. Une parenthèse apaisée, pour un moment une trêve enchantée. Une parenthèse illuminée, pour un moment, pour un rêve éveillé. Que j'aime l'odeur de l'herbe coupée, accompagnant nos mois et soirs de juillet. Pour de belles lunes, pour un ciel étoilé. Que j'aime l'odeur